7h30 au réveil matin, l'œil est embué, le regard lointain. Rejoindre à 6h le turbin, après le café en bagnole en train. Les couloirs infinis font claquer les ballons, la mémoire s'embrouille dans les conversations. Les néons crachent leur néant, étoilés recoins blanchis sur le temps. Un robe gratigné du Mont Blanc reprend le témoin, mange les écrans. Il est temps d'accueillir le cri des téléphones. À présent, quelques rires défilent le ciel acteur les ors. Diront Renan solo, entre dans la danse et joue crescendo. Les canons s'abattent à dos, remplissent ses cadences, binaire tempo. Un manège de temps se meut sur 5 étages, sortilège de l'encens et se remet sous l'ombrage. Travail, emploi, salaire, envie d'être heureuse de toute manière. Elle est unie et solidaire, belle et généreuse comme une bouffée d'air. Travailler toute une vie sans donner son avis, désolé, aujourd'hui c'est râpé, c'est fini. Vouloir agir, participer, et briser la gangue, dépenser, sécher. Remodeler, réinventer, des ennemis qui tanguent et vont naviguer. Puis tout pour une féminité en paix, pour qu'elle me blesse ses soirées. Conforter, déposer les larmes, ouvrir ses bras et dire les mots qu'il faut. Chercher un chemin qui nous mène au haut. Car les filles d'échec postaux ont toujours le cœur chaud. Éveline, Caroline, Séverine, Paulette, Rosette, puis Armel, Sophie, Lille, et Joël, Michel, Daniel, Marine, Marcel, Colette, Marilou, Fatima, Arlette, Aïe, Estella, Yolanda, Mireille, Nadèche, Lange, Lève, Elia, Juliette, Sylvette, Odile, Ingrid, Myriam, Myriam, Mireille, Lunette, Francette, Thérèse, Raymond, Olympe, Doris, Yvette, Claudette, Lorette, Edith, Brigitte, Fernand, Roland, Henriette, Jeannette, Lucette, Esther, Claire, Jeannette, Huguette, Josette, France, Claude, Paul, Marie-Jo, Claudie, Aurélie, Virginie, Marie-Bonne, Dominique, Yvonne, Simone, Véronique, Conception, Angélique, André, René, Audrey, Gripsy, Mais, Bernadette, Nicolette, Antoinette, Elisabeth, Morissette, Katia, Aïcha, Asuta, Francesca, Ali, Madi, Mallory, Nelly, Maya, Samia, Sadia, Maria, Oliva, Nani, Jenny, Valérie, Betty, Rachida, Patricia, Farida, Antonina, Fanny, Annie, Sylvie, Marie, Denise, Liz, Louise, Ellie, Georges, Hélène, Irène, Fabienne, Aline, Sabine, Franceline, Violaine, Madeleine, Marie-Hélène, Sandrine, Janine, Jeanne, Lilian, Méliane, Gabriel, Noël, Rachel, Anne, Suzanne, Marianne, Estelle, Gisèle, Raphaël, Muriel, Emmanuel, Emile, les maris et toutes les maris. Et les filles d'échec postaux nananananana reviennent en un époque. Nadine, Kenta, Nadine, Nadia, Sonia, Sabrina, Stéphanie, Johanna, Lucie,